Chapitre 10e. Invraisemblable intervention. Le soleil était déjà haut sur l'horizon quand l'ingénieur fut tiré de son sommeil par un véritable rugissement poussé par son patience, qui s'était éveillé le premier. Son patience était debout, les yeux fixes, le bras tendu, il montrait du doigt quelque chose. L'ingénieur vit à ses pieds une assez grande caisse de bois blanc, sans couvercle, qui était remplie de boîtes de conserve, de biscuits et d'une demi-douzaine de gros flacons. À côté se trouvait un petit tonnet d'une douzaine de litres. Mais ce n'était pas cela que regardait sans patience. Il indiquait du doigt un objet, qu'en se penchant l'ingénieur put voir à son tour. Ce quelque chose était une grande hélice à deux branches, leur hélice. L'ingénieur la reconnut tout de suite. Elle était attachée à un des montants de leur siège par une corde passée dans le trou percé à son centre. La première idée de l'ingénieur fut qu'il rêvait, et la seconde qu'il était devenu fou. Il passa la main sur son front, ferma un instant les yeux, puis les rouvrit. L'hélice, la caisse de vivres et le tonnelet étaient toujours là. C'était invraisemblable, mais cela était. Les deux hommes se regardèrent, puis un élan les poussa dans les bras l'un de l'autre et ils s'embrassèrent comme deux frères. « Sauvés, nous sommes sauvés !» s'écria sans patience. « Merci, mon Dieu !»« Dieu est bon !» dit à son tour l'ingénieur. Et tous deux se penchaient pour tâter qui l'hélice, qui la caisse, qui le tonnelet, afin de bien se convaincre de la miraculeuse mais palpable réalité. Le premier, l'ingénieur reprit son sang-froid. « Si vous m'en croyez, mon bon ami, dit-il, nous remettrons à plus tard le soin de chercher une explication à ce secours qui nous tombe du ciel. Nous savons quelle importance peut avoir une heure perdue dans notre situation. Voilà notre hélice. Occupons-nous tout de suite de la remettre en place. « J'ai pourtant faim, moi, » déclara sans patience. « Nous allons prendre chacun un verre de Bordeaux tout en grignotant un biscuit. » Cela nous permettra d'attendre un repas plus substantiel et de nous mettre à l'œuvre à l'instant. Mais ne perdons pas de temps, croyez-moi. » Ainsi fut fait. D'ailleurs, sans patience, se rendit vite compte que la besogne à laquelle il devait se livrer n'était rien moins que facile. Pour remettre l'hélice en place, il était nécessaire en effet de s'avancer jusqu'à l'extrémité du fuselage, que l'arbre du moteur dépassait encore d'une cinquantaine de centimètres. À terre, cette opération eût été des plus simples, car on aurait pu prendre appui sur le sol pour s'exhausser, mais sur mer, tout point d'appui solide manquait. Néanmoins, grâce aux excellentes dispositions prises par l'ingénieur et à l'adresse de sans patience, on parvint à mener à bonne fin la besogne dont dépendait le salut. Ce ne fut pas sans difficulté, ni même sans danger, mais enfin, vers 9 heures, l'hélice était de nouveau à la place où les deux amis n'avaient jamais espéré la revoir. Une clavée de fortune la fixa à l'arbre, où elle fut solidement boulonnée. L'ingénieur put même, pour plus de précaution, assurer le serrage par un contre-écrou. Puis il voulut revoir un nain tous les organes. Il démonta même le carter du moteur, craignant que les secousses ou les embruns eussent mis à nu les fils d'allumage ou détérioré la magnéto. Heureusement, il n'en était rien, et l'ingénieur n'eut qu'à resserrer de ci de là quelques boulons. Il vérifia également le fonctionnement de tous les graisseurs, puis examina le fuselage et la carcasse des ailes. Il n'aperçut nulle part rien d'anormal. Pendant ce temps, sans patience avait soigneusement arrimé le tonnelet et la caisse de vivres, ne se souciant pas de voir une embardée leur faire prendre le chemin de la mer, ainsi que leurs anciennes provisions. Il était 10h30 quand l'ingénieur mit le contact. Le moteur ronronna, l'hélice s'ébranla, l'aéroplane se mit à courir sur les flots et au bout de 40 mètres, il s'enleva dans la poussière d'or du soleil. Et pendant qu'il gagnait de la hauteur, les deux aviateurs se regardèrent avec ivresse. Sauvés, ils étaient sauvés. De se sentir de nouveau portés par les grandes ailes frémissantes, toute leur confiance leur était revenue. Cette fois, ils arriveraient. Ils sentaient que rien ne les arrêterait plus.